Le 13 février, à la Maison de la Culture de l'arrondissement de Samdion, s'est tenu le spectacle du Cercle Artistique de l'arrondissement consacré à la Journée de la Brillante Étoile. Y ont assisté le sous-maréchal Fang Byong-sun, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'Armée populaire de Corée, des officiels des organismes du parti, des forces armées, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, des militaires de l'Armée populaire, des cadres et membres de la division 16 février, des cadres et autres travailleurs de la province du Yangon et de l'arrondissement de Samdion. Commencé par le poème et le chœur, le Pictong-il au printemps, que brille le Pictong-il et notre général est fils des partisans, des numéros variés ont été montés sur la scène.